الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. On continue inshallah ta'ala avec le tafsir, l'exégèse de Sourate Al-Mulk, la royauté, Sourate 67. Et bihamdillah azza wa jal, on est arrivé au verset 13, on en avait parlé lors du dernier cours de tafsir. Donc, on est avec le verset 13 de Sourate Al-Mulk, la royauté, Sourate 67. Et le mieux, dans ces cas-là, c'est que les personnes qui nous suivent via le net, ou même via l'enregistrement par la suite, c'est qu'ils aient au moins le Coran d'ouvert, comme ça ils peuvent suivre plus facilement en arabe et en français, inshallah ta'ala, et tout en prenant les notes, bien sûr, comme d'habitude, pour ceux qui veulent laisser une trace de ce qu'ils ont appris, inshallah ta'ala, wa billahi tawfiq. يقول جل وعلا وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات صدور. الله جل وعلا il dit que vous cachiez votre parole ou la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Ce verset coranique, on va le traiter. Avant cela, concernant le verset numéro 13, وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَوْ اِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ. On en a parlé longuement. Et je reviens juste simplement sur un point, et bien, idnillah azza wa jal, un point qui va nous servir de révision. On avait parlé de Al-Wasawis. On en avait fait ici un petit sujet hein, dans ce cours-là. Et on avait cité quelques règles concernant les pensées. Donc beaucoup de personnes nous disent, quand je pense à quelque chose de mal, est-ce que je serai interrogé ou pas? Est-ce que j'en rendrai des comptes ou pas? Est-ce que c'est un péché ou pas? Et on avait dit à différents cas. C'est-à-dire quand on pense quelque chose de mal, il y a des cas où c'est un péché, il y a des cas où ce n'est pas un péché. Quand c'est un péché, et quand ce n'est pas un péché, et je veux les preuves ici, bi'idnillah azza wa jal. Qui peut me dire? Quand quelqu'un pense à quelque chose, quelquefois c'est un péché, quelquefois ce n'est pas un péché. Quand c'est un péché, quand ce n'est pas un péché. Et quelles sont les preuves? Wahib? Cette mauvaise pensée, de façon générale. Ahsan. La shakka fi dhalik wa hadha bi ijma'. À l'unanimité des savants, ça c'est le premier point. D'accord? Ici, à partir du moment où la personne va extérioriser ici ses mauvaises pensées, donc il va les mettre en application, là à ce moment-là c'est un péché. Il n'y a pas de doute sur cela. Comme il est relaté dans Sahihain, rapporté par le Bukhari et le Muslim, le prophète alayhi afdalu salat wa sallam a dit, Allah a pardonné aux membres de ma communauté leurs mauvaises pensées. Allah a pardonné aux membres de ma communauté leurs mauvaises pensées. Tant que ces pensées ne sont pas mises à exécution. Rapporté par le Bukhari et le Muslim. Ça c'est le premier point. Quelqu'un qui a une mauvaise pensée, mais qu'il ne la met pas en application, d'accord, on sait ça à l'unanimité d'après le hadith, il ne sera pas interrogé, ce n'est pas commis comme un péché. Ça, c'est dans le sens général. Mais quand on rentre dans les détails, certains péchés, même s'ils ne sont pas mis en exécution, ou plutôt afwan, certaines mauvaises pensées, même si elles ne sont pas mises en exécution, c'est un péché. La preuve, maintenant je veux ce cas-là. Quand une mauvaise pensée, même si elle n'est pas mise en exécution, ici, c'est un péché. Et donnez-moi une preuve. Qui peut me le dire? Quelqu'un a une mauvaise pensée, il la met pas en application, mais c'est compté un péché. Ça c'est facile. Là, ici, les mauvaises pensées, ça peut être al-wasawis, fikratun kadhiba min ash-shaytan, min ash-shayatin, al-ins wal-jin. Walakin mata nuhasib ala dhalik. Quand on va rendre des comptes sur cela. Quand on est athim, on est pécheur, on a commis un péché. Quelqu'un, il vient et il te dit, moi, j'ai des mauvaises pensées. Je vais rendre des comptes ou pas? Première des choses. Nous lui disons, le prophète, il a dit, comme le hadith, j'ai cité, rapporté par le Bukhari et le Muslim, ça, c'est la règle générale. Tant que tu la mets pas en exécution. Mais moi, lui, il va venir, il va te dire, lakin, moi, j'ai lu un hadith. Où le prophète, alayhi afdalu salat, tu vois, taslim. Ici, il a dit, et il a parlé de deux personnes qui se sont disputées. Et un a tué son frère. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, les deux sont où? Les deux sont en enfer. Attends, il y a du son, hein, Les deux sont en enfer. Ils ont interrogé le prophète, il dit, ah, Rasulallah, c'est clair pour celui qui a été tué. Mais celui qui a été tué, il a dit, pourquoi? Parce que lui, il avait l'intention de le tuer. D'accord? Donc, est-ce qu'il l'a fait? Il l'a pas fait. Donc il n'a pas mis en application sa mauvaise pensée, mais c'est un péché. Et il en aura, il en rendra des comptes, d'accord? Et le prophète alayhi sallam l'a montré. Donc il va, tu as quelqu'un va te dire oui mais voilà, d'un côté vous me dites comme quoi le prophète alayhi sallam a dit ça a été pardonné à ma communauté les mauvaises pensées tant qu'elle ne les met pas en application rapportée par le Bukhari et le Muslim. Et d'un autre côté on voit ce hadith là. Donc tu vas rendre des comptes sur les péchés. Donc là on dit ça c'est un deuxième cas. Dans certains cas les mauvaises pensées même s'ils sont pas mises en application, tu en rendras des comptes et tu mériteras ou tu mérites le châtiment. D'accord? Mais par contre, on a encore un autre hadith où le prophète alayhi salatu wa salam, comme a déjà fait sahih, il a dit celui qui a l'intention de faire une bonne action et qui l'a fait, il a combien de récompenses? 10. 10 hasana, 10 récompenses. Et celui qui a l'intention de faire une bonne chose mais qui ne l'a fait pas, il a quand même une bonne récompense. D'accord? Il a quand même une hasanat. Celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui l'a fait, il a combien de péchés? D'accord, il a une mauvaise, c'est comptabilisé comme une mauvaise action. Celui qui a l'intention de faire une mauvaise chose, mais qui ne la fait pas, il a quoi? Zéro. Donc là, quelqu'un va me dire, je comprends plus rien. Pourtant ça, je l'avais fait, là, c'est une révision, vous me répondez, là, je suis en train de reviser la révision. Ici, donc d'un côté, on a celui qui avait l'intention de tuer son frère, il l'a pas fait. Il mérite le châtiment, mais dans ce hadith-là, celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui ne la fait pas, il a rien. Donc de là, on a deux autres cas. En tout, on a trois cas. Clair. Le premier cas, on l'a dit. T'as des mauvaises pensées, tu les mets pas en exécution. Khalas. Allah, il a pardonné à sa communauté. Ça, c'est la règle générale. On a le deuxième cas. Ici, le hadith qui nous montre comme quoi la personne voulait tuer son frère. Il l'a pas fait, mais il avait quand même l'intention. Eh ben, lui aussi, le prophète Hassan, il a dit, il mérite l'enfer. D'accord? Pourquoi celui-là mérite l'enfer? Et par contre, dans notre hadith, celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui ne la fait pas, il a zéro mauvaise action. Pourquoi? C'est quoi la différence entre les deux? Bien sûr. Mais l'autre, le prophète Hassan, il a dit, celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui ne la fait pas, il a zéro mauvaise action. Les deux, ils avaient peut-être l'intention de la faire. Ça prouve pas qu'il y a un qui avait l'intention de la faire la mauvaise action et l'autre non. Le prophète Ali Sem, il a dit quoi? Celui qui avait l'intention de faire une mauvaise action et qui l'a pas fait. Peu importe pourquoi. Il a pas précisé. Peut-être parce que voilà, il y a eu, en fin de compte, ça s'est pas proposé à lui ou autre. Si on avait dit là, les frères, c'est quoi la différence? Il y a deux cas ici. Et on a dit que quand il y a des choses qui nous paraissent être contradictoires, sont pas contradictoires. Entre des hadiths, un hadith authentique, le mieux c'est d'allier, c'est ce que font les ulama, d'allier entre les hadiths. Et comment ils ont allié? Ils ont dit le premier cas, d'accord, qu'on a cité, le hadith qu'on a cité de l'Bukhari au Muslim, où le prophète alayhi sallam il a dit, Allah il a pardonné à ma communauté les mauvaises pensées tant que celles-ci ne sont pas mises en exécution. D'accord? Plus le troisième cas, le troisième hadith que je vous ai cité, où le prophète alayhi sallam il a dit celui, et je résume ici, celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui ne la fait pas, il a zéro mauvaise action, il a dit, ça ce sont les gens, d'accord, qui soit ils avaient, ce sont les gens qui avaient l'intention de faire une mauvaise chose, d'accord, sans être déterminés. Et on a tous des mauvaises pensées de faire une mauvaise chose, ça te vient après, tu dis, ah, isti'adha, a'oudhu billahi minash shaitanir rajim, tu avais l'intention de faire une mauvaise chose, après il y a eu un obstacle qui a fait que tu ne l'as pas fait, c'est venu volontairement ou involontairement, ici c'est pensé, peu importe, à la kulli hal, tu n'étais pas vraiment déterminé à faire cette chose-là. Donc à ce moment-là, tu es pardonné. Car la miséricorde d'Allah dépasse sa colère, et on a deux textes ici qui nous prouvent que le fait de ne pas concrétiser une mauvaise pensée par les actions, c'est pardonné. Mais par contre, l'autre cas, quand le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit, même s'il ne l'a pas tué, eh ben les deux sont en enfer, là on parle de quel cas? Les ulama, ils ont dit, là c'est un cas où ils étaient en train de se combattre. Donc est-ce que ici à la place à oui mais ils n'étaient pas déterminés. Ça peut être qu'une personne qui est déterminée parce qu'ils se sont battus jusqu'à ce que un a tué l'autre. Et le prophète alayhi salam, il a dit, celui qui a tué, il est en enfer, mais celui qui a été tué, bien sûr aussi il est en enfer. Pourquoi? Parce que s'il avait pu, il l'aurait tué. Là, ils étaient en train de s'entretuer. Donc là, on voit il y a une détermination. Les ulama, ils ont dit, celui qui a une mauvaise pensée et qui est déterminé, il fait toutes les causes, il veut absolument la faire, et il y a un obstacle qui lui empêche de faire cette chose-là, et ben ici, à ce moment-là, il mérite quand même le péché. Celui qui a des mauvaises pensées qui viennent, volontairement ou involontairement. Involontairement, c'est-à-dire quelquefois c'est le wasawis, shaitan qui vient lui faire ça, sans que lui il s'est mis à penser à cette chose-là. Tiens, j'aimerais bien faire cette chose-là. Non, même, peu importe, volontairement ou involontairement. Mais il n'est pas très déterminé, c'est-à-dire il ne va pas jusqu'au bout, il ne fait pas les causes avec détermination pour pouvoir faire cette chose mauvaise. C'est-à-dire ça lui vient, ça lui trotte dans la tête, après il essaie de combattre ses pensées, etc. Et il ne les fait pas, même s'il avait cette mauvaise pensée, il sera pardonné bi-idhnillah azza wa jal. Wadih ? Et c'est comme ça qu'on allie al-ulama entre les textes, mais ça on l'avait déjà vu, et c'est pour ça, barakallahu fina fikum, révisez vos cours. Ici ensuite, Allah Jalla wa Ala, il dit, et ici, il nous rappelle sa grandeur, sa puissance, subhanahu wa ta'ala, et il dit, subhanahu wa ta'ala, أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. On va parler de ces deux noms, d'accord, qui font partie de min asma'illahi azza wa jal. Al-latif, ça veut dire quoi? Et al-khabir, ça veut dire quoi? Ça, c'est des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme l'a dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala, si tu veux aimer Allah azza wa jal, ici, c'est en apprenant à connaître Allah azza wa jal que tu vas aimer Allah azza wa jal. Et il dit Ibn al-Qayyim, tu ne pourras jamais apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala d'une meilleure façon que de la façon qui est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. D'accord? Quand tu apprends à connaître Allah azza wa jal à travers ses noms et ses attributs, ceci va te pousser à aimer Allah azza wa jal. Donc si tu veux atteindre un certain degré ou un haut degré dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala envers Allah azza wa jal, apprends à connaître Allah à travers ses noms et ses attributs. Et souvent dans Tafsir al-Qur'an, on revient bien sûr sur les noms et les attributs parce qu'on cite les noms d'Allah azza wa jal. On va parler de Latif et le Khabir. Et ici, on va rappeler pourquoi, souvent dans le Coran et le Karim, ils sont liés ensemble. Souvent, vous allez voir, wa huwa al-latif al-khabir. Latif, lié avec al-khabir. C'est pas par hasard, d'accord? Ou sans raison, d'accord? Il y a une raison à cela, et on va le voir bi-idhnillah azza wa jal. Allah Jalla wa Ala dit, avec une traduction approximative du sens, ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui, al-latif, le compatissant, al-khabir, le parfaitement connaisseur? Ne connaît-il pas, hey, أَلَا يَعْلَمُ مَنْ الْخَالِقُ. Ne connaît-il pas, on parle de qui? D'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit pour exhorter les gens, pour réveiller les consciences. Et il dit subhanahu wa ta'ala, ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur. هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît toutes choses et il sait toutes choses. Et c'est pour ça qu'il rappelle. Il dit وَهُوَ اللَّطِيفُ Al-Khabir. Al-Khabir, rapidement, après on revient sur Al-Latif. Al-Khabir, ici, comme a dit l'ulama, huwa al-Khabir bima yuslihuhum. C'est-à-dire Al-Ibad. Al-Khalq. Ici, Allah Jalla wa Ala, il est parfaitement connaisseur, ici, concernant ce qui est le plus approprié, le meilleur pour ses créatures. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a. C'est lui qui les a créés. Allah Jalla wa Ala, il dit, ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur? Le parfaitement connaisseur, Allah Azza wa Jal, huwa al-khabir. C'est-à-dire, il sait ce qu'il y a de meilleur et ce qui est meilleur pour ses créatures. C'est-à-dire, à chaque fois qu'Allah Jalla wa Ala a légiféré, a ordonné ou a interdit, c'est que cette chose est la meilleure des choses pour ses créatures. Faut pas aller plus loin. Pourquoi? Huwa al-khabir. C'est le parfait connaisseur. Il connaît toutes choses dans les détails et il saisit les choses que nous on ne peut saisir. C'est pour ça que quand les gens disent oui, mais dans une chose qu'Allah Jalla wa Ala a légiféré, nous disons ici s'il l'a légiféré, il n'y a pas de mais. C'est que c'est un bien pour toi. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Et c'est pour ça qu'Allah le rappelle dans le Coran al-Karim que c'est lui al-khabir. Et que lui sait quand nous on ne sait pas, quand il dit wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun li'anna Allah huwa al-khabir. Allah Jalla wa Ala il rappelle ici, vous pouvez avoir de l'aversion, détester une chose alors que c'est un bien pour vous, vous pouvez aimer une chose alors que c'est un mal pour vous. Allah sait et il ne sait pas. Comme Allah sait et nous on ne sait pas, on doit s'en tenir à قال الله وقال الرسول بفهم سلف الأمة ولذلك نكرر ونردد دائما هذه الآية العظيمة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans la façon d'agir. C'est pas parce qu'Allah Azza wa Jalla nous l'impose et parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous imposer une chose qui est mauvaise pour nous. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'il y a des choses qu'on ne saisit pas. Et il nous rappelle que c'est lui Al-Khabir. Je voulais, même si vous pensez que c'est mauvais, vous pensez qu'il y a un mal, soyez sûr qu'il y a un bien. Et derrière chaque commandement divin se cache ici des sagesses que nous on n'arrive pas à saisir parce que nous on est faible. Wa khuliqa al-insanu da'ifa. Allah Jalla wa Ala a créé l'être humain faible. Allah Azza wa Jalla est parfaitement connaisseur. Et ici al-latif. Quand on parle de latif en traduction approximative, on parle de du compatissant. Donc quand on dit latif, c'est le compatissant. On dit aussi dans le sens c'est, et ça ça rejoint ce que représente latif au point de vue de la langue arabe. C'est le compatissant, c'est le généreux, c'est le doux, c'est le bienveillant. Wa huwa al-latif al-khabir. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est compatissant, il est bienveillant, il est doux. Donc ici, il veut notre bien, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce nom, latif, il est cité dans 7 endroits du Coran. Et dans la plupart des endroits où est cité ce nom, latif, il y a l'autre nom qui est cité avec, qui est Al-Khabir. Comme ici dans ce verset, wa huwa al-latif al-khabir. Et comme dans le verset coranique où Allah Azza wa Jalla dit, la tudrikuhu al-absar, wa huwa yudriku al-absar, wa huwa al-latif al-khabir. Et dans la plupart des endroits où est cité ce nom, latif, ici, al-latif, il y a al-khabir à côté. Pour quelle raison? Comme dans Sourate Luqman aussi et dans d'autres endroits. Car Al-Latif, c'est celui, comme a dit l'ulama, qui te fait parvenir le bien d'une façon tellement subtile, discrète, cachée, que tu ne t'en rends même pas compte et que tu ne saisis même pas. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas connaisseur. Et toi, tu ne sais pas comme Allah sait, car Allah Azza wa Jal huwa al-khabir. Donc, al-latif, c'est celui qui te fait parvenir ici un bien ou des bienfaits d'une façon si subtile, si discrète, quelquefois cachée, que tu n'arrives pas à saisir. Pourquoi? Wa huwa al-latif? Latif ou al-khabir. Parce qu'Allah est parfaitement connaisseur. Mais toi, tu ne saisis pas ça. Toi, tu ne connais pas ça. Toi, tu ne sais pas comment Allah Azza wa Jalla te l'a fait venir ce bien-là. Et tu ne t'en rends pas compte. Tu n'en prends pas connaissance. Tu n'en es pas conscient comme il se doit. Mais Allah Azza wa Jalla en est conscient. La preuve, il y a plusieurs exemples. Il y a des choses qui sont des bienfaits ici énormes. Et nous, on s'en rend même pas compte. La preuve, on remercie peu, si ce n'est jamais Allah Azza wa Jalla pour ses bienfaits, qui sont indispensables pour la vie de l'être humain, mais Allah Azza wa Jalla te les a donnés, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que, ici, l'être humain les oublie, mais Allah Azza wa Jalla en est parfaitement connaisseur. Par exemple, juste le fait de respirer. Est-ce que des gens se rendent compte que sans le fait de pouvoir inspirer, expirer, ils ne pourraient vivre? Mais pourtant, cette chose-là, on le vit, et on ressent ce bienfait. C'est pas une fois dans la journée. C'est à chaque seconde, c'est vrai ou pas? Chaque seconde, on est comblé de ce bienfait. Combien de fois on dit « Ya Rab, falak alhamd, louange à toi » pour m'avoir permis de respirer, m'avoir donné ce bienfait. Qui? Si tu ôtais ce bienfait, je ne pourrais vivre. Qui le dit? Illa man rahim Allah. Très peu, si ce n'est personne, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Mais pourtant, Allah Azza wa Jalla le sait. Mais Allah Azza wa Jalla nous donne des bienfaits, et ces bienfaits sont subtils, quelquefois tellement discrets, tellement caché que nous, on les saisit pas. Et ça nous pousse à avoir un manque de reconnaissance. Lakin Allah Azza wa Jal huwa al-latif. C'est-à-dire, celui qui te fait parvenir ses bienfaits. Le bien, des bienfaits. Ici, qui sont indénombrables. Lakin de façon subtile, discrète, quelquefois cachée. Toi, tu ne les saisis pas, mais Allah saisit. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il met toujours latif ou al-khabir. C'est lui le compatissant, c'est lui le bienveillant, c'est lui le doux qui t'apporte ses bienfaits. Ils sont tellement discrets que toi tu ne les saisis pas. Pourquoi? Parce que huwa al-khabir. C'est pour ça que vous voyez que ce n'est pas n'importe, pour n'importe quelle raison qu'un nom est mis juste avant l'autre nom. Le nom là, il suit l'autre nom. C'est-à-dire latif ou al-khabir. Pour bien comprendre le sens complet, on a besoin de ces deux noms. Wa huwa al-latif ou al-khabir. Wadih? Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala nous rappelle ici, dans plusieurs versets coraniques, que ici il y a des bienfaits qu'on ne saisit pas, soit on ne s'en rend pas compte alors qu'on les vit, ou bien qu'on ne les voit pas à l'œil nu, on les ressent pas au moment présent, mais après un an, deux ans, six mois, des années, deux semaines, on se rend compte en fait que ce qui nous est arrivé, qui nous paraissait être un mal, était un bien. Pourquoi? Parce qu'Allah nous a fait parvenir ce bienfait de façon dissimulée, cachée. Comme dans Sourate Yusuf, par exemple, vous voyez, il y a toutes les épreuves qu'a vécu Yusuf, etc. Et quand vous voyez à la fin de Sourate Yusuf, dans l'avant-dernière page, vous allez voir, si mes souvenirs sont bons, avant-dernière ou deux pages avant la fin, vous allez voir que quand ici ils se sont prosternés ses frères devant Yusuf, etc., Yusuf, il a rappelé qu'Allah Jalla wa Ala huwa al-latif. Yusuf, il rappelle qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui le compatissant, c'est lui le doux. Pourtant Yusuf, regardez tout ce qu'il a vécu, mais il rappelle que c'est Allah qui l'a sorti de prison parce que c'est lui le compatissant, le doux. Et il a compris que tout ce qui lui est arrivé, c'était quelque part un chemin pour parvenir à quoi? À ce bien dans lequel il est au moment présent. Parce que quand il l'a dit ça, c'est à quel moment? C'est quand ses frères, ici, ils se sont tous prosternés devant Yusuf alayhi salam. Et donc à ce moment-là, Yusuf alayhi salam, il a cité cette parole, huwa al-latif. C'est lui le doux, le compatissant. C'est comme s'il a dit, je reconnais que toutes mes épreuves étaient un bien, ou ici, je les voyais, ou vous pouvez les voir comme un mal au moment présent, mais le résultat, c'était que c'était un bien. Mais ce bien est venu de qui? Al-latif. Celui qui te fait parvenir des bienfaits d'une façon tellement subtile, discrète, cachée, que toi tu ne t'en rends pas compte parce que tu ne sais pas, mais Allah sait parce que c'est lui, elle, c'est lui, Al-Khabir. Vous avez compris? Wa huwa al-latif ou al-khabir. Deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas mis pour décorer dans le Coran al-Karim. Et ça ne suffit pas de lire le Coran al-Karim et d'apprendre le Coran al-Karim. Al-Salaf, il disait, et plus d'un, il m'est préférable, ou il est préférable à un d'entre vous, de lire un seul verset coranique, bittadabbur, avec méditation et bonne compréhension, bifahmin sahih, que de lire al-Quran al-Karim kamil, sans méditation et sans bonne compréhension. Et c'est pour ça que tu vois dans Salaf, ou Sahaba, radiyallahu anhu, dans beaucoup de récits, où il y en avait certains d'entre eux qui faisaient qiyam ou layl avec un seul verset coranique. Avec deux versets coraniques. Qiyam ou layl. Nous, maintenant, on se précipite dans la lecture ou dans l'apprentissage par cœur. Rubbama, la personne, elle ne sait même pas lire correctement, ou bien elle comprend pas ce qu'elle lit, ou bien elle met pas en application ce qu'elle lit, ou bien elle médite pas ce qu'elle lit. C'est un tout. On a besoin de lire, de comprendre, d'apprendre, de méditer. On a besoin d'un tout. Al-Qur'an al-Karim, c'est un tout. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala dit dans le Qur'an al-Karim, كتاب مبارك أنزلناه إليك ليتدبروا آياته. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il dit ça, c'est la preuve que le Coran a été révélé pour être médité. Allah, il dit dans le Coran, c'est un livre béni qu'on a descendu sur toi afin qu'il médite ses versets. Afin qu'il médite ses versets. Clair? Et donc on voit que simplement deux noms, si on vivait avec ces noms-là, on comprendrait beaucoup de choses. Et ça évitera à beaucoup de personnes de quoi? De se plaindre quand il faut pas se plaindre. De se plaindre même, wal'iyadu billah, d'Allah Azza wa Jal. De ne pas patienter. Parce qu'ils comprendront que, à ce moment-là, huwa al-latif. Al-Khabir Allah, il va pas t'abandonner. C'est lui le doux. C'est lui le généreux. C'est lui le bienveillant. C'est lui le compatissant. Réunis tout cela dans une parole, huwa al-latif. Et Al-Latif, c'est qui? C'est celui qui va te faire parvenir un bien d'une façon tellement dissimulée, d'une façon tellement subtile, d'une façon tellement discrète que toi tu ne vas pas comprendre. Il est où ce bien? Mais le bien, il est là. Sache-le qu'il est là, bi-idnillah azza wa jal. Toi tu ne sais pas, Allah il sait, parce que c'est où? C'est lui Al-Khabir, le parfaitement connaisseur, wa huwa Al-Latif ou Al-Khabir. Khalas, tu vas toujours attendre ici que le bien arrive et tu ne vas pas te précipiter. Et tu vas vivre comme il se doit avec ce verset coranique. وَعَسَ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Et tu vas comprendre c'est quoi al-latif, c'est quoi al-khabir. Et même dans ta da'wa, tu vas pouvoir remonter le moral à une personne avec une bonne compréhension. Si tu as compris ce qu'on a dit hier à travers ad-du'a, inna lillah wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Et pourquoi cette du'a, et à quel moment, et comment Allah jalla wa ala te remplace une chose ici qui est un malheur, une épreuve par quelque chose de bien. Allah azza wa jalla est capable de toute chose. Et tu as compris qu'est-ce que c'était al-latif, al-khabir. Regarde ta da'wa, comment elle va être riche. Tu vas pas simplement dire à mon frère, asbar, asbar, tout le monde a des épreuves. Quand tu vas dire ça à une personne, la personne, elle va se dire quoi, billahi ali. Elle va se dire, oui, oui, d'accord, mais toi, tu sais pas ce que je ressens. Bref, oui, oui, d'accord, asbar. Mais quand tu vas venir avec des paroles douces et tu vas dire, ta'ala, ya akhi al-habib, regarde, fi ahdi nabi alayhi salatu wassalam, regarde cette femme. Cette femme, c'est qui? C'est Hind. Et cette femme-là, elle s'appelait, c'est quoi sa kunya? Umm Salama, regarde ce qu'elle a vécu avec son mari. Allah, ala kulli shay'in qadir, il l'a remplacé, il a fait cette dua. Et Allah, huwa al-latif al-khabir. C'est quoi al-latif al-khabir? Cet endroit, mon frère, Allah, il a parlé de al-latif al-khabir dans le Coran al-Karim, de ces deux noms liés l'un avec l'autre. Et dans plusieurs endroits, ici, al-latif plutôt, et dans la plupart des endroits, Allah, il a lié al-latif avec al-khabir. Pourquoi? C'est qui al-latif? C'est qui al-khabir? Il va commencer à comprendre c'est qui Allah, connaître Allah à travers ses noms et ses attributs, comme l'a dit Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala. Donc c'est quoi qui va augmenter automatiquement? C'est son amour envers Allah. C'est son amour envers Allah azza wa jal. Et ça va l'aider à patienter. Ça, c'est avec du ilm. Ça, c'est lourd. Ça, c'est alhamdulillah. Ça va l'apaiser, parce que tu lui as apporté des preuves. Tu lui as parlé de Al-Qur'an Al-Karim. Et Allah dit, fadakir bil-Qur'an. Et rappelle avec Al-Qur'an Al-Karim. Le meilleur des rappels, c'est quoi? Kitabullahi Azza wa Jal. Quand il a été bien compris, saisi et mis en application. Là, à ce moment-là, oui. C'est pas tu mets des versets coraniques hors contexte ou je ne sais quoi encore. Et Al-Qur'an Al-Karim, il s'explique. Et Al-Qur'an Al-Karim, son tafsir, il se fait avec quoi? Avec Al-Qur'an Al-Karim et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Avec Al-Qur'an et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Thumma madha? Après, on va voir quoi? On va voir As-Salaf, wa minhum, bien sûr à leur tête, As-Sahaba radiyallahu anhum ardhum, on va voir les Athar. Et ici avec les chaînes de transmission authentiques, pour voir ici est-ce qu'il y a une explication apportée qu'on n'a pas réussi à trouver ou comprendre dans les détails avec d'autres versets coraniques ou avec la sunna authentique du prophète alayhi salatu wa salam, wa hakada. Clair? Wa huwa al-latifu al-khabir. Thumma dhakara Allahu tabaraka wa ta'ala ba'da anwa'i. Ici, Allah Jalla wa Ala, il a cité ici certains types de bienfaits qui sont apportés à l'être humain. Et on a dit les bienfaits qu'Allah Jalla wa Ala a donnés et qui sont subtils, discrets, que tu as apportés, que tu oublies ou que tu ne vois pas. Il y a des millions, il y a des milliards. On peut pas les dénombrer. Et on a dit simplement l'exemple de quoi? La respiration. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle et il dit dans le Coran al-Karim, « هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ. » Allah jalla wa ala, il montre un bienfait parmi les bienfaits qu'il nous a donné. Regardez, il nous explique « هُوَ الْلَطِيفُ الْخَبِيرُ » et il dit, regardez maintenant un bienfait que je vous ai donné parmi les nombreux bienfaits. Et après, il met, c'est ça vivre avec le Coran. Mais sinon, la personne va dire, wa huwa al-latif al-khabir. Khalas, il va passer à un autre verset, il croit que c'est autre chose. Mais quand tu vas vivre avec le Coran al-Karim, et tu vas commencer à comprendre comme il se doit les versets coraniques, à travers les règles de usul al-tafsir, tu vas voir qu'un verset suit l'autre verset coranique. Allah subhanahu wa ta'ala, il te rappelle que c'est lui le créateur de toutes choses. Wa huwa al-latif al-khabir. Et je répète, et regardez comment ça se suit, c'est lui qui vous fait parvenir ses bienfaits indénombrables, grand, ses nombreux bienfaits, de façon subtile, de façon discrète, quelquefois de façon cachée, si bien que vous ne les saisissez pas, mais Allah Jalla wa Ala les saisit et les connaît, car Allah Azza wa Jalla wa Latif, c'est lui qui te les a envoyés, Al-Khabir, le parfaitement connaisseur. À titre d'exemple, et Allah Jalla wa Ala te donne un exemple. C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ses grandes étendues, mangez de ce qu'il vous fournit, vers lui et la résurrection. Allah Jalla wa Ala, il nous rappelle que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui nous a mis à disponibilité la terre, qui nous a soumis la terre, qui nous a assujettis la terre. Parcourez donc ces grandes étendues. Allah Jalla wa Ala t'a mis à disposition, à moi, à toi, à nous, à l'espèce humaine, à l'être humain. Même celui qui insulte Allah, qui n'est pas musulman, qui n'est pas croyant, min rahmatillahi azza wa jalla, Allah Jalla wa Ala lui permet de boire, de respirer et de parcourir la terre. Ces grandes étendues. Ikhtalafa al-ulama fi manakibiha. فمنهم من قال أي الجبال. Certains ils ont dit ces grandes étendues manakibiha. Ici al-manakib en langue arabe, ça parle de quoi? Al-manakib c'est quoi? C'est quoi al-manakib? On parle des épaules, clair? Donc ici on parle des épaules, mais ici on parle de la terre. Qu'est-ce qui est représenté ici par al-manakib? Est-ce que c'est les étendues, les routes ou bien les montagnes? Certains ont dit les montagnes. Voilà qu'il y a al-azhar, ce qui est le plus clair et ce qui est le plus prépondérant, comme a dit al-ulama et al-jumhur, c'est ces étendues, c'est-à-dire tout ce qui est accessible à l'être humain. Ici, les routes, les côtés, les étendues, etc. Clair? Et ici, on voit très bien qu'Allah, Jalla wa Ala, nous a assujetti la terre. La preuve. Est-ce qu'on peut marcher tranquillement sur la terre? Est-ce qu'on peut se déplacer tranquillement sur la terre? Est-ce que ici, il y a des difficultés? On voit très bien qu'elle est mise à notre disposition. On voit très bien juste dans les déplacements, depuis l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, remonte en arrière, depuis les premières générations qui ont existé sur la surface de la terre, est-ce que ici, ils ne pouvaient pas marcher correctement ou se déplacer d'un endroit à un endroit? Toujours. Alhamdoulilah, bien qu'elle soit vaste, bien qu'il y ait des mers, bien qu'il y ait des montagnes, tout le monde a pu, à toutes les époques, à tous les siècles, se déplacer sur la surface de la terre. Et ça, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme au jour d'aujourd'hui, tu te déplaces de la mosquée à chez toi, ou d'un pays à un autre pays, comme à l'époque du prophète alayhi salam et avant lui. Ici, c'est une facilité. Maintenant, c'est les montures qui changent. Laquelle on voit qu'elle a été, ici, soumise quelque part. Elle a été assujettie, mise à notre service. Et ça, c'est un grand bienfait que les gens, ici, dont les gens n'en prennent pas conscience. Est-ce qu'on peut se déplacer aussi facilement sur la planète Mars ou Neptune ou Jupiter que sur la Terre? On peut pas. C'est pas pareil. Donc on voit que ça c'est spécifique à la Terre. Et Allah Azza wa Jal, ici, il a fait que les êtres humains soient sur la surface de la Terre. Donc Allah, il a organisé la vie sur la surface de la Terre. Il nous a mis à disponibilité le soleil, la nuit, le jour, et ici, le temps, la pluie et la Terre. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit, parcourez la Terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, parcourez la Terre. Il le dit. Et il rappelle que ça c'est un bienfait. Mais on parle encore de bienfait comment? Wa huwa al-latif ou al-khabir, on a parlé de latif, c'est un bienfait. Tu t'en rends même pas compte, subtil, discret. Comme un bienfait qui fait partie des plus grands bienfaits et qu'on vit, c'est pas une fois par jour comme je vous ai dit précédemment, mais à chaque seconde. Pourtant un bienfait chaque seconde, tu devrais t'en rendre compte et remercier Allah Azza wa Jal. Sans ce bienfait, tu ne pourrais pas vivre. Et l'être humain ne pourrait pas vivre, c'est quoi? La respiration. Chaque seconde. Mais regardez, c'est tellement subtil, discret, que nous, on ne s'en rend pas compte, on n'est plus reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, walakin Allah, c'est lui le Latif qui te l'a envoyé de façon discrète, et c'est Allah Azza wa Jal al-Khabir qui est parfaitement connaisseur. Subhanahu wa ta'ala. Wadih. Et parmi ces bienfaits encore subtils, discrets, il y a des bienfaits qu'on s'en rend pas compte, c'est le fait de quoi? De marcher sur la surface de la terre et de se déplacer sur la surface de la terre. Wa kulu min rizqi. Et Allah Jalla wa Ala, il nous dit, c'est lui qui vous a soumis la terre, parcourez donc ces grandes étendues, mangez de ce qu'il vous a fourni vers lui et la résurrection. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il a fait ici un istinbat, ce qu'on appelle une déduction, dans ce verset coranique, et il dit, ça c'est la preuve que tu as le droit de te déplacer d'un endroit à un autre endroit, peu importe l'endroit A à l'endroit B, pour aller chercher ta subsistance. Donc, il en déduit pour at-tijara, pour le commerce. Il dit, ça c'est une preuve que tu peux te déplacer d'un endroit à un autre endroit, pas pour l'intention spécifique d'apprendre la science, de faire ad-da'wah, mais simplement pour at-tijara. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset coranique ici, هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا. Mais risqué. Regardez les Sinbad, comment il va loin, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Il dit donc, à partir du moment où tu te déplaces d'un endroit A à un endroit B, tu fais même un long voyage, et ton intention, on te dit, c'est pourquoi? Tu dis, c'est pour être tijara, on peut pas te dire, c'est haram. Al-asl, c'est halal. Ma huwa dalil, ce verset coranique où Allah Azza wa Jalla dit, parcourir la terre, et ici, il dit, de chercher quoi? Ici, de manger de sa subsistance. Donc, parmi les raisons, pour al-risq. Clair? C'est pour la subsistance. لكن العلماء ils ont mis الضوابط, ils ont mis الشروط, ils ont mis des règles, ils ont mis des conditions, ils ont mis, et parmi ces conditions là bien sûr c'est que quoi, il y a toujours la préservation de ce qui est de plus important, c'est ta religion. Clair? Amma, si tu vas pour ad-dunya, ou même si tu restes dans un endroit et tu fais devancer ad-dunya sur l'akhira, tu es dans le péché, dans l'égarement. Comme Allah Azza wa Jalla dit, فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Celui qui, comme ils disent les ulama, c'est celui qui a préféré la vie d'ici-bas, c'est-à-dire qu'il a fait devancer sur l'akhira. Son refuge sera quoi? L'enfer, wal'iyadu billah. فَأَمَّا مَنْ طَغَى, celui qui a transgressé, qui a dépassé les limites, et qui a préféré la vie d'ici-bas, c'est-à-dire qu'il a fait devancer la vie d'ici-bas sur l'au-delà, son refuge c'est l'enfer, wal'iyadu billah. Et Allah Jalla wa Ala rappelle encore que ceux qui restent dans un endroit ici en faisant devancer dunya sur l'akhira, leur refuge sera l'enfer aussi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, et on reste dans ce sujet-là, de déplacement dans la terre. D'être dans un endroit A et partir dans un endroit B pour at-tijara. Ça, c'est autorisé, la preuve, on a cité le verset coranique. Lakin, il faut qu'il y ait des règles qui soient maintenues et respectées. Si tu fais devancer ici la vie d'ici-bas sur le delà, c'est-à-dire tu n'arrives plus à préserver ta religion, ça devient haram. Et la preuve de cela, dans un autre verset coranique. Et ça c'est la preuve, on ne travaille pas qu'avec un verset coranique, et même quand on travaille plusieurs versets coraniques, il faut regarder l'explication des versets coraniques pour ne pas se perdre. Allah Jalla wa'ala il dit, ici, إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّ مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَ فَتُهَاجِرُ فِيهَا. Allah Jalla wa'ala il parle de ceux qui ont causé du tort à leur propre personne. Il dit subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges, al-malaika, ils enlèveront leur âme en leur disant, où en étiez-vous? C'est-à-dire comme a dit l'ulama avec votre religion. Aïna, fima kuntum, où en étiez-vous avec votre religion? Mais avant cela, Allah il dit, ceux qui ont fait du tort à leur propre personne. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydin nas wa ya'fu an kathir. Tout malheur qui t'atteint, il a été causé par tes propres mains. Clair? Mais Allah il pardonne à beaucoup. Clair? Et ici, as-salaf, tu les verras toujours quand il leur arrivait une musiba, ils accusaient qui? Eux-mêmes. Ça c'est connu. Jusqu'à ce que Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, il disait, je vois la désobéissance de mon épouse dans la désobéissance de ma monture et de mon épouse dans quoi? Non, il disait, je vois la désobéissance, ou alors, je vois ma désobéissance, ou ma mauvaise relation, mon mauvais comportement vers Allah Azza wa Jalla dans la désobéissance de ma monture et ma femme. Regardez, il disait que quand ma monture, t'imagines toi, les gens comment ils vont le prendre pour un fou, celui qui va monter dans sa voiture, il va dire, subhanallah, j'ai que des problèmes avec ma voiture. Quelqu'un va dire, ouais, c'est que t'as une mauvaise alaqa avec Allah. Subhanallah, et le moteur a cassé, tu me dis parce que je suis pas. Bah eux ils étaient comme ça, salaf. Ils disaient, mon cheval, il m'obéit pas, et bah ma femme elle m'obéit pas, je disais pas c'est de sa faute ou là. Je disais, bah ça je me disais, ça c'est à cause de quoi? Ma mauvaise relation avec Allah Azza wa Jalla, ma désobéissance envers Allah. Ils accusaient toujours leur propre personne. Maintenant les ulama ils ont dit quand on peut différencier que quand tu as malheur nous touche, c'est de notre faute, ou bien c'est pas de notre faute. C'est-à-dire, c'est pas nous qui l'avons provoqué. C'est pas un châtiment d'Allah Azza wa Jalla, mais c'est une épreuve. Ici, la règle générale accuse toujours ta propre personne. Sans l'étaler devant les gens. C'est mieux. Par sécurité. Dis-toi, sûrement, j'ai fait quelque chose de mal avec Allah Azza wa Jalla. Clair? Mais quelquefois, bien sûr, ça peut être que Allah, il t'élève de degré. Sinon, la personne, si tu lui dis, tu dis, c'est que parce que t'as fait des erreurs avec Allah Azza wa Jalla, hachalillah, on dirait quoi? Le prophète alayhi sallam, il a plus de péchés que nous ou quoi? C'est la meilleure des créatures sur la surface de la terre. Ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa ma'a dhalika, celui qui a le plus de masa'ib sur la surface de la terre, Muhammad ibn Abdullah. Voilà, mais c'est pour l'élever de degré. Al-ulama, et ça je reprends une parole qu'un frère nous avait posée à Al-Umra, vous avez donné une métaphore, et j'ai dit, t'as fait une très belle métaphore. Il a dit, par exemple, une personne, et il a répondu à sa question, indirectement. Il a répondu à sa question. Il dit une personne qui, le frère qui est là, hein, tu me corriges, c'est exactement, mais dans le sens, sa métaphore, c'était ça. Hein. Il disait, une personne va prendre sa voiture. Et Al-Mouim, il va prendre deux voitures. Il y a deux personnes qui vont conduire. Une personne va monter dans sa voiture, il va avoir un accident, il va avoir des malheurs, etc. Et une autre personne va monter dans sa voiture et il va avoir aussi un accident et des monséba, etc. Un, ici, il aura fait les causes, donc c'est-à-dire il aura mis sa ceinture de sécurité, il aura vérifié la vidange, il aura fait le tour de sa voiture, etc. Il aura fait l'accident. Mais l'autre, il l'aura pas fait et la vérification, il aura fait l'accident aussi. Comment on peut savoir que c'est un châtiment d'Allah Azza wa Jal ou bien que c'est une épreuve tout simplement? Donc le ma'ana à peu près, c'était un peu ça le sens, hein, pas les mots exacts de sa métaphore, mais c'est ça. J'ai repris sa métaphore, je dis c'est excellent ta métaphore pour faire comprendre aux gens. La règle générale c'est que quand la personne va prendre sa voiture, il va mettre sa ceinture de sécurité, il va vérifier sa voiture, il va vérifier les pneus, il va pas dépasser la limite autorisée, il va pas faire d'erreur concernant le code de la route, il va rouler tranquillement, il roule, masha'Allah, tac, il lui arrive un accident. Est-ce que c'est le même cas que la personne qui met pas sa ceinture, qui s'est limité à 60 et roule à 150 km heure, et qui grille les feux rouges et qui... C'est pareil, le premier cas et le deuxième cas. C'est pas pareil. Clair? Un, il a fait les causes pour que ça se passe bien. Allah Azza wa Jalla, il a fait que il lui arrive un accident. C'est une épreuve, bi'idnillah Azza wa Jalla, de façon générale, on dit, sûrement cela, indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu te rapproches de lui, il te donne une épreuve bi'idnillah azza wa jal, et ça ne veut pas dire de façon claire que Allah te châtie pour un mal que tu as fait. Lakin notre personne qui a provoqué ce mal en faisant des choses interdites, illicites, est-ce que ça on peut en déduire que c'est plutôt un châtiment d'Allah azza wa jal? Et est-ce qu'on peut dire tu as mérité? Oui ou non? Bien sûr, c'est pas les mêmes choses. Et comme ça, on dit les savants, de façon générale, ils disent quand une personne, il sait qu'il a fait des choses mauvaises et qu'il a des déficiences, quand il lui arrive un malheur, en général, accuse ta propre personne. Quand une personne, alhamdoulilah, dans une situation, il a fait toutes les causes pour que ça se passe bien, mais il a eu une épreuve, qaddar Allah, incha'Allah ta'ala, abshir, réjouis-toi, incha'Allah ta'ala, que ça soit un bien. Mais la règle générale, c'est que salaf, ils accusaient toujours leur propre personne. Et ils disaient sûrement, j'ai fait quelque chose de mal envers Allah Azza wa Jal, bien que... Ça ne veut pas dire automatiquement que tu as fait quelque chose de mal envers Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina tawaffahumul malaika. Allah jalla wa ala, il parle de ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Les anges enlèveront leurs âmes. Où en étiez-vous avec votre religion? Et ils diront, kunna mustad'afina fil ard. Nous étions impuissants sur la terre. Kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'a. Est-ce que c'est une excuse? Non. Ils diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour faire l'immigration? Donc la preuve que quand tu es dans un endroit où tu es en période d'impuissance. Mais on parle de quelle impuissance ici? L'impuissance à qalu fima kuntum. Où en étiez-vous avec quoi? On parle de quoi ici? Ad-din, la religion. Quand tu es dans une impuissance religieuse, c'est-à-dire tu ne peux pas pratiquer correctement ta religion. Ou bien al-ulama ils disent comme Cheikh Al-Uthaymi rahimahullah ta'ala wa ghayruhu min ahli al-ilm, ça c'est connu ça, c'est-à-dire que tu as une crainte pour ta religion à toi, قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا, pour toi ou ta famille. C'est-à-dire ceux ici que dont tu as une responsabilité sur eux, ton épouse, tes enfants, et tu as une crainte ici pour eux dans leur avancée dans la religion. Tu sais qu'en restant dans un endroit, peu importe l'endroit. Moi, je vous dis à notre époque, je vais pas citer de nom. Tel pays, tel. On est dans un point A et un point B. Tu es dans un point A, un endroit X où tu n'arrives plus à pratiquer ta religion correctement. Tu n'arrives plus ici à éduquer tes enfants correctement. Et ton épouse arrive plus à avancer dans la religion et ici à se préserver ou à éduquer ses enfants correctement. À ce moment-là, si toi tu es en danger et en plus zid ala dhalik, je vais pas dire que tu ne sers à rien, mais tu n'es pas ici impératif. Tu n'es pas, comment on va dire ça? Tu n'es pas indispensable. Indispensable pour la communauté, à ce moment-là, tu dois obligatoirement partir. Et la mise en garde, elle est sévère. Allah Jalla wa Ala, il dit, إِلَّا الْمُسْتَعِدِي فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ces personnes-là, quand on leur dira, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer, voilà bien ce dont le refuge et l'enfer est quelle mauvaise destination. Illa al-mustad'afina min ar-rijal wa an-nisa, sauf les impuissants, les faibles. Parmi ici les faibles et les femmes, al-ulama, ils ont dit, c'est ceux qui n'ont aucune solution pour partir. C'est les femmes, les faibles, les pauvres, les vieux, ils n'ont pas de possibilité de partir. Donc la règle générale, c'est que dans n'importe quel endroit sur la surface de la terre, tu peux vivre. Ça, c'est la règle générale. Même dans un pays non musulman, même dans un pays non musulman. Ma huwa ad-dalil, rapporté par al-Bukhari wa Muslim, min hadithi Abi Tha'laba radiyallahu anhu wa arda, il a demandé au prophète alayhi salatu wa salam, et je vous répète souvent ce hadith-là qui est une règle claire, pour ceux qui veulent savoir de façon générale, est-ce qu'on peut vivre dans un pays non musulman? Et il a dit au prophète alayhi salatu wa salam, inna bi ardi ahli kitab, on est dans une terre de ahlu kitab. Ahlul kitab, c'est-à-dire, quand on parle de Ahlul Kitab, c'est qui? Al-Yahoud ou Al-Nasara. Ou bien, ou Al-Nasara. Ou bien, ou alors, et. Donc, Ahlul Kitab, c'est eux. Donc, il a dit, nous, on est dans cet endroit-là. Et ils ont dit dans cette question-là, dans cette interrogation-là, Afana akulu min aniyatihim, est-ce qu'on mange dans leur récipient ou de leur récipient? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, la ta'akulu, d'accord? Minha ou fiha. Ne mangez pas dans ces récipients ou de ces récipients-là. Walakin, il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, prenez d'autres récipients, cherchez d'autres récipients. Et si, wa illa, ou, si vous trouvez, yani, vous ne trouvez pas, ghayraha, autre que ces récipients-là, donc à ce moment-là, farsilouha, wa kulu minha. Lavez-les et mangez de ces récipients. Ça, c'est par rapport à la jurisprudence, on parle des récipients. Mais ici, Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala dit que ça, c'est une preuve qu'on peut vivre dans une terre qui n'est pas musulmane. Parce que sinon, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il y avait un intérêt, même on lui posait une question sur, par exemple, la mer. Mais il voyait qu'il y avait un intérêt de répondre à côté aussi. Il répondait ou pas? Il répondait. Pourquoi il leur a pas répondu? Attendez. Vous êtes dans Ard de Ahlul Kitab. Vous avez pas le droit de rester là-bas. Vous devez partir. Il leur a rien dit. Il les a pas réprimandés. Ça, c'est une preuve que l'asl, tu peux. Lakin, on travaille pas qu'avec un texte. Dans d'autres textes et dans d'autres versets coraniques, on voit que à partir du moment où on est impuissant. C'est-à-dire, où en étiez-vous avec votre religion? Tu ne peux plus pratiquer ta religion correctement. Tu tombes facilement dans les grands péchés. Ou bien il y a un risque pour l'éducation de tes enfants. Ou bien la femme pour son éducation à elle. Et tu n'es pas indispensable pour la da'wah, parce que ça c'est une condition que les savants mettent et respectent et acceptent pour dire que la personne qui est un da'i, qui est indispensable ou qui a une forte impact, c'est pas au niveau de 4-5 personnes ou au niveau de sa famille. Ça, tu peux avoir cet impact même si tu es presque, on peut dire entre guillemets, dans une grotte. Ça, n'importe quel pays du monde, n'importe quelle ville du monde, même dans un, tu peux être, non, indispensable pour toute la, pour tout le pays, ou pour vraiment des milliers de personnes. Cette personne-là, j'insiste là, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui viennent et qui nous disent, hijra, hijra, hijra, de jour comme de nuit. Et quand tu leur dis, toi, pourquoi tu fais pas le hijra? Il dit, ouais, mais moi je fais de da'wah, c'est quoi? Il a ouvert un petit site, d'accord, en mettant un petit nom, juste pour couverture, mais après, il casse la tête à tout le monde. Faut faire le hijra. J'ai ouvert un petit site et il y en a plein des comme ça. Et je fais da'wah, j'envoie des fatawas dedans, et je m'en garde. Qu'est-ce que tu fais toi, Yahri? Il y a 5-6 personnes par jour. Ça fait ton site de ton pays musulman, ou alors le pays dans lequel tu dis, comme tu prétends. Et à ce moment-là, ouvre le site de là-bas et tu seras aussi bénéfique. C'est vrai ou pas? T'es pas indispensable. Donc assume tes paroles. Parce qu'il y a des gens qui reprochent et qui critiquent ceux qui ne font pas la hijra sans leur expliquer avec douceur, sans savoir pourquoi ils partent pas, sans, et ils se précipitent sur ces gens-là. Voilà, iyadu billah. Donc nous disons, elle hijra dans certaines conditions. Quelqu'un va nous dire, je ne suis pas bénéfique pour la da'wah. Du moins, je ne suis pas indispensable. Je ne vais pas être la cause qui aide. À côté de ça, moi, il y a un risque énorme pour ma religion. Je ne suis pas de nom de pays. Peu importe le pays. Je suis dans un pays, j'arrive pas à pratiquer bien ma religion. Il y a un risque énorme pour mes enfants. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va lui recommander? On lui dit, Akhil Habib, à ce moment-là, si tu trouves un pays, un endroit où qui est meilleur. Elle ne va pas me dire, je vais partir simplement, je pars. Je vais dans un endroit où, ici, je sais que ça va être meilleur pour ma religion, c'est-à-dire particulièrement pour préserver. Il y a deux cas. Avancer et préserver. Si tu ne peux pas avancer, mais tu peux préserver, donc dans ces cas-là, fais priorité à préserver, Yahri. Tu vas dans un endroit où tu peux préserver l'éducation de tes enfants ou ton éducation. Donc là, tu dois partir obligatoirement. Parce que la mise en garde, elle est sévère, c'est quoi? C'est l'enfer. Wal'iyadu billah. Wadih. Alors que dire de ces personnes à qui? Wal'iyadu billah. Ici, ils ne partent pas, d'accord? Ils ne partent pas, ils restent dans des pays où ils n'arrivent pas à pratiquer leur religion comme il se doit, ou alors il y a un risque pour l'éducation de leurs enfants, etc. Mais en plus de cela, ils ne sont pas indispensables pour la da'wa de façon générale dans le pays où ils sont, etc. Mais en plus de cela, regardez, ils s'enfoncent, regardez l'ignorance et comment Shaitan joue avec surtout certains jeunes à notre époque. Mais en plus de cela, ils sont des poids. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَنِيَةً. De jour comme de nuit, ils obstruent le sentier d'Allah. Et tu les vois. N'écoutez pas Foulen. N'allez pas aux doros de Foulen. Ya Abdallah, toi tu es dans une situation qui peut-être, tu mérites l'enfer. Cheikh Al-Rashhi, hafidhahullah ta'ala, contemporain. Il dit, celui qui ne respecte pas ces conditions-là, que je viens de citer précédemment, il mérite l'enfer. Il reste musulman, mais regardez, il parle de mécréance ou pas. Il reste musulman, mais du moins, il mérite le châtiment douloureux en enfer. Et toi, avec ça, tu rajoutes quoi? Ceux qui ont une excuse de rester, c'est-à-dire ils transmettent cette religion, ils sont bénéfiques, c'est pas à 10 ou à 100, à des milliers de personnes, et ben toi, tu es en train d'être un poids pour eux. Non seulement tu dois être ici un soutien énorme pour eux, c'est-à-dire tu dois ici essayer de déblayer le terrain devant eux, être à côté d'eux pour avoir au moins une excuse. Au moins dire, alhamdoulilah, moi je les ai aidés, ces personnes-là, j'étais faible, là, mais j'ai été un gros soutien pour ces personnes-là, pour qu'ils transmettent la religion. Ça, c'est la preuve que quoi? On est là pourquoi? Pour adorer Allah Azza wa Jal. Et Allah, il dit, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Le meilleur des travails, c'est da'wat ila Allah Azza wa Jal. Ya Rab, moi j'ai été là pour être un soutien au da'i, au du'a, mais un gros soutien. Donc, ba'da, ala kulli hal, si tu étais faible parce que tu n'arrivais pas à partir ou parce que telle raison, au moins, essaie de trouver quelque chose, un échappatoire. Non seulement toi, tu casses le travail des prédicateurs et t'es un poids pour eux, et indirectement ou directement, tu les fais ralentir dans leur avancée dans la da'wa, wal'iyadu billah. Et ben, je te dis, accroche-toi, le jour où t'accrocher à tes péchés te serviront à rien du tout. Accroche-toi, le jour où le fait de t'accrocher à ton ignorance, à ton égarement, à tes péchés ne te serviront à rien du tout. Donc, je dis à ces frères-là, celui qui respecte les conditions, qui reste. Celui qui est faible, eh ben, qui implore le pardon d'Allah, Jalla wa Ala, et qui utilise toutes les causes pour préserver sa personne et sa famille en mettant l'intention de partir dans un endroit qui est meilleur pour pratiquer sa religion un jour ou un autre. Et qui soit un soutien et pas un poids, et qui n'obstrue pas le sentier d'Allah Azza wa Jalla de ceux qui ont une excuse pour rester ici. Quand ça sera compris, vous verrez que la communauté bi-idnillah Azza wa Jalla, elle ira beaucoup mieux dans toute la France, et dans les pays d'Europe, et dans le monde entier, bi-idnillah azza wa jalla, et on sera loin de toutes ces divisions. Là, nous, on aime détruire, et on voit beaucoup notre nafs, mais on a oublié que quoi? Al-maslahatu al-amma muqaddamatun ala al-maslahati al-khassa. La preuve, toi tu es là. Tu n'as pas le droit à la base de rester dans un endroit où, qui est difficile pour toi de pratiquer ta religion, mais tu es un da'i, al-ulama tous, ils ont dit tu dois, c'est pas tu as le droit, tu dois rester. Pourquoi? L'intérêt général devant sur l'intérêt personnel. Toi tu es une excuse, reste. Amma les autres, celui qui peut partir, qu'il parte. Et je ne cite pas de nom. Tel pays, partez dans tel... Parce qu'il y a des frères qui disent, oui, j'ai envie de faire l'hijra de tel pays à tel pays. Allahu alam, qu'est-ce que j'en sais, moi? Est-ce que j'ai été dans ce pays maintenant, au jour d'aujourd'hui? Ou, subhanallah, il y a des fitaines partout dans le monde. Tel pays est meilleur que tel pays. Ça, c'est chacun qui fait, entre guillemets, son ijtihad et qui se renseigne et qui voyage. Il y a des gens qui sont même en France, et alhamdoulilah, ils pratiquent bien leur religion. Ils arrivent à adapter par rapport à l'éducation de leurs enfants, par rapport à eux-mêmes, par rapport à... Il y en a, ils arrivent pas à assumer. Ils sont obligés de rentrer quelquefois dans des choses qui font que ils ont plus main prise sur leurs enfants ou sur eux-mêmes, ou ils arrivent plus à... Ils tombent dans les grands péchés. C'est du cas par cas au jour d'aujourd'hui. C'est du cas par cas. Donc ça, c'est à comprendre ce sujet-là. Ici, de façon générale, en réunissant les textes, pas en utilisant qu'un seul texte. Amma pour tijara, la règle, elle est là. Mais on ne travaille pas qu'avec un verset coranique. Il y a d'autres textes qui nous montrent que il y a, comme on a dit, ash-shurut, ad-dawabit, etc., qui vont restreindre certains voyages, certains déplacements et le fait de rester dans certains endroits, certains pays, certaines villes, etc. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.